remets ce disque que je n'écoute pas. Mon esprit est ailleurs. Le front contre la vitre, je te revois partir en déchirant mon cœur. Ta voiture s'est fondue dans la nuit. Dieu que c'est dur de voir mourir sa vie. En ville le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. En ville le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Main pensive, je frôle les objets que tu aimais hier. Tu gardes notre enfant, moi, cette maison froide. Oh, c'est logé l'hiver. Devant toi, j'ai su ne pas pleurer. Même pas su garder cette fierté.